الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. On continue inshallah ta'ala avec le tafsir de sourate Al-Mulk, la royauté, donc sourate 67. Et on s'était arrêté au dernier cours avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Allah Jalla wa Ala parle de ces gens-là qui seront châtiés au jour de la résurrection et qui reconnaîtront leur erreur et ils vont reconnaître auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala leur manquement, leur désintéressement de cette religion, leur délaissement, leur manquement de façon générale. Et Allah Jalla wa Ala dit, et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu, fa'tarafu, ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, de par sa miséricorde, de par son équité parfaite et complète, ici il va faire que les gens vont reconnaître leur erreur et leur manquement ici-bas, de plusieurs façons. Parmi les façons ici qu'Allah Jalla wa Ala va utiliser pour que la personne, avant qu'elle soit châtiée, reconnaisse son erreur, c'est que la peau va témoigner, c'est que les membres vont témoigner, et que tout sera cité concernant ses manquements et ses erreurs, et il ne pourra que reconnaître ses manquements. Et ceci avant d'être châtié, et cela est la preuve de la parfaite et complète équité de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, jusqu'à ce que même la personne qui va savoir qu'elle va être châtiée, fa'tarafu bidhanbihim, ah, ils vont reconnaître, elle va reconnaître les péchés, les manquements qu'elle a eus, parce qu'elle ne pourra pas mentir. Et ici on va lui montrer clairement tous les manquements que cette personne-là a eus, bien qu'elle entendait, bien qu'elle avait un cœur, bien qu'elle avait des oreilles, bien qu'elle avait des yeux, lakin, elle n'entendait pas comme il se devait, elle ne voyait pas comme il se devait, elle ne comprenait pas comme il se devait. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, que ne voyage-t-il pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre. Et ici, ça c'est une preuve qu'ont utilisé certains gens de science, et parmi les contemporains, Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, pour dire que la faculté de raisonner réside dans al-qalb, dans le cœur. Donc la raison réside dans le cœur. Car Allah Jalla wa Ala dit, أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre. Et c'est pour ça que tu verras la personne qui a accumulé un grand nombre de péchés. Et on sait très bien qu'à travers plusieurs hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les péchés ici rendent le cœur noir et voilent le cœur, wal'iyadhu billah. Donc c'est pour ça que tu verras ceux qui commettent beaucoup de péchés et qui ne se repentent pas, et qui tombent dans l'excès, dans les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans se repentir, ils agissent sans quoi ? Sans raisonner. Et c'est pour ça que tu les vois faire des choses, et tu as du mal à comprendre pourquoi ils font ces choses-là. Et quand tu essaies de les raisonner, ils n'arrivent pas, ou plutôt tu n'arrives pas à les raisonner, parce qu'ils agissent sans raisonner. Pourquoi ? Parce que leur raison elle est voilée. À cause de quoi ? Al-dhunub, clair, parce que leur raison est voilée à cause de l'accumul des péchés, et les péchés ont noirci le cœur jusqu'à voiler leur cœur, comme le prophète alayhi salatu wasalam et Allah Jalla wa Ala l'ont dit dans le Coran al-Karim, comme Allah l'a dit dans le Coran, et le prophète alayhi salam l'a rappelé dans la sunna authentique, que à chaque fois que l'enfant d'Adam commet un péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent, il reconnaît, il se rectifie, alhamdoulilah, ce point noir part. Mais s'il persiste, ici, ce point noir reste, et plus il fait des péchés, des actes de désobéissance, et plus il y a des points noirs dans son cœur, jusqu'à ce que son cœur soit voilé, wal'iyadhu billah. Comme Allah Jalla wa Ala l'a rappelé dans le Coran al-Karim, kalla bal rana ala qulubihim. Allah Azza wa Jalla rappelle que ici, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fait comme mauvaise action a voilé leur cœur, wal'iyadhu billah. Clair ? Donc la faculté de raisonner pour certains gens de science, elle est dans le cœur, clair. Et ces gens-là, wal'iyadhu billah, ils ne raisonnaient pas comme ils se devaient. Et c'est pour ça que ici ils reconnaîtront et ils diront ici, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Eux-mêmes ils diront, si on avait écouté et raisonné, on ne serait pas en enfer. Et Allah Jalla wa'ala dit, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. D'accord, il parle des cœurs pour raisonner et des oreilles pour entendre. Mais eux, ils avaient des cœurs, mais ne raisonnaient pas avec, parce qu'il y avait trop de péchés et d'actes de désobéissance qui ont voilé leur cœur, et ils avaient des oreilles, mais n'entendaient pas ce qu'il fallait entendre, quand il fallait l'entendre, comme ils devaient l'entendre normalement, wal'iyadhu billah. Clair? Et c'est pour ça, pour purifier ton cœur au maximum, ici, parmi les causes principales, c'est de s'éloigner des actes de désobéissance au maximum, et d'obéir à Allah Azza wa Jal au maximum. Donc ici, ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Et ça, on répète, c'est la preuve de la parfaite équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de le châtier, bien qu'il mérite le châtiment, bien qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas à se justifier, et il ne sera pas interrogé. Walakin ana wa anta sanus'al. Amam Allah Azza wa Jal, on sera interrogé. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas interrogé. Mais regardez la parfaite équité d'Allah Azza wa Jal, il te montrera tes erreurs. Jusqu'à ce que tu reconnaisses tes erreurs, jusqu'à ce que tu dises, ici, j'ai mérité ce châtiment. Et sans contrainte. Mais Allah Azza wa Jal, il va t'apporter les preuves que, parce que l'insan oublie. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Mais à ton Seigneur, n'oublie rien du tout. Allah Azza wa Jal, il va te montrer toutes les erreurs que tu as fait. Ta peau va témoigner, tes membres vont témoigner, et tout ce que tu dis, depuis que, ici, des années que tu as vécu, toutes les années que tu as vécu, toutes les paroles que tu as dites, ils ont été inscrites. Il y a al-malaïka, il y a des anges, et il y a des anges qui ont cette fonction d'inscrire toutes les paroles. Et ici, ce livre-là sera apporté au jour de la résurrection. Et il te sera dit, اقرأ كتابك, lis ton livre. Et ici, tu ne pourras pas renier la vérité parce que la vérité, elle sera claire. Et ça, c'est une leçon aux gens aussi, qui essaient d'exhorter les personnes. Ici, nous, en islam, on n'impose pas, comme on le dit. Et ça sert à rien de jouer, même quand tu veux exhorter tes enfants, ou alors ta femme, ou la femme, le mari, ou les parents, les enfants, de jouer, entre guillemets, hein, celui qui veut imposer aux policiers, ou je ne sais quoi encore. C'est comme ça, un point, c'est tout. Non, ici, tu es là pour convaincre avec douceur et sagesse. Et le but principal, c'est que quoi, comme on avait dit dans Da'wa et dans Nasiha, c'est de mettre tout en œuvre pour que la personne de elle-même comprenne son erreur. Ce n'est pas pareil quand la personne de elle-même, elle comprend et elle reconnaît son erreur. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu lui dises, fais ceci ou fais cela. Et qu'elle fasse cette chose-là sans comprendre vraiment pourquoi. Donc ici, on est toujours ici dans da'watu ila Allah azza wa jalla, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit toujours s'efforcer de faire reconnaître l'erreur à la personne quand cette erreur, elle est claire. Et quand la personne, elle va reconnaître son erreur, ici de elle-même, elle va se corriger plus facilement. Amma, si tu lui dis c'est bleu, un point c'est tout, sans explication, sans qu'elle reconnaisse, bien sûr que facilement elle retombera dans la même erreur. Clair? Et ensuite Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran al-Karim, إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, après avoir parlé des gens qui sont voués en enfer et qui méritent l'enfer, après qu'ils aient reconnu leurs erreurs, etc. Ah, Allah Jalla wa Ala parle des gens qui recevront le pardon de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qui recevront la meilleure des récompenses, qui est Al-Jannah, le paradis éternellement. Que vaut des plaisirs mondains quelques années, quelques jours, quelques mois, par rapport à un paradis éternel? وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَا. C'est pour cela, les gens de science ont dit, parmi les moyens qui vont te permettre d'agir avec un certain détachement, sans rentrer dans l'excès, envers cette vie d'ici-bas, et avec un détachement face au péché, c'est de te souvenir de ce qui t'attend, incha'Allah ta'ala, dans l'au-delà. La personne qui est tentée par les femmes, ici, ou la femme qui est tentée par les hommes, c'est-à-dire en utilisant une voie illicite, quand elle va se rappeler et elle va se souvenir des paroles prophétiques et des paroles divines concernant l'au-delà et ce qui lui attend, elle va voir que c'est insignifiant par rapport à ce qui nous attend, cela va la motiver. Parce que l'être humain, à la base, il a toujours besoin de quoi? De motivation pour accomplir une chose, pour avancer. Ça va la motiver à délaisser les actes de désobéissance et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Claire? Allah, Jalla wa Ala, il parle des gens de l'enfer il parle des gens du paradis. Et ça, c'est uslub al-Qur'an, le style du Coran. On retrouve souvent cela, comme on dit, il parle de l'enfer, il parle du paradis. Il parle du châtiment, il parle de la récompense. Il parle des gens de l'enfer, il parle des gens qui recevront le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah jalla wa ala dit ici dans surat al-Mulk, إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Et ce n'est pas n'importe qui. Allah jalla wa ala dit, ceux qui redoutent leur Seigneur, qui craignent leur Seigneur, bilghay, avec une traduction du sens. Bien, ici, qu'il ne l'ait jamais vu. Ou alors, bilghayb, c'est-à-dire ici, quand personne ne les voit. À ce moment-là, ces gens-là, ces personnes-là, auront un pardon et une grande récompense de leur part ou de la part de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Clair? Donc Allah, jalla wa ala, il parle des personnes, comme on dit, les exégètes du Coran. Ceux qui craignent, qui redoutent Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas simplement qui redoutent Allah azza wa jalla. Regardez ce qu'il dit, Allah, bil ghayb. Comme on dit certains exégètes, ce sont ceux qui ont redouté Allah subhanahu wa ta'ala, ici, pas simplement de façon ouverte devant les gens, mais même quand ils se retrouvent face aux actes de désobéissance, au péché, sans que personne ne les voit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là recevront une grande récompense de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il n'a pas dit Allah azza wa jalla, inna alladhina yakhshawna rabbahum, tout simplement, ceux qui redoutent leur Seigneur. Non, bil ghayb, bien sûr. Et ça va dans le même sens. Bien qu'il n'ait pas vu Allah, et bien qu'il soit seul, c'est pas simplement devant les gens. Et c'est pour ça les ulama, ils disent ici, لِأَنَّ الْخَشْيَ أَمَامَ النَّاسِ شَيْءٌ يَسِيرٌ. La crainte, le fait d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal devant les gens, en général c'est quelque chose de facile. Devant les gens, le moins qu'on puisse dire, c'est plus facile. Devant les gens, ouvertement, les gens te regardent. Craindre Allah Azza wa Jal devant les gens, c'est plus facile. C'est pour ça que la personne va avoir plus de facilité, peut-être, de façon générale, à accentuer dans le fait de faire sa prière comme il se doit, de bien réciter le Coran comme il se doit, de dire de bonnes paroles comme il se doit, quand il est avec les gens que quand il est tout seul. Et c'est pour ça qu'Allah nous rappelle, إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. C'est pas qu'ils craignent Allah simplement, c'est-à-dire, c'est pas ceux qui craignent Allah que devant les gens, dans toute situation. Même quand tu es ici, dans une situation où personne te voit, si ce n'est Allah Jalla wa Ala. Clair? Ces gens-là recevront un grand pardon de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Wa anta khafuhu bil ghaib. Ça, c'est ce qui est demandé. Que tu craignes Allah Azza wa Jal. Ici, même quand tu es dans l'isolement. Et ceux-là, ce sont les gens qui obéissent à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et s'écartent des désobéissances d'Allah Azza wa Jal. Même quand personne les voit. Et même quand les gens les voient aussi. Amma, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala que quand les gens le voient, ou la sœur qui craint Allah azza wa jalla que de façon ouverte quand les gens le voient, et quand elle se retrouve face à ses péchés, wal'iyadu billah, elle les transgresse, cette personne-là, qu'elle sache, et qu'Allah nous préserve de cet égarement, qu'il y a une mise en garde sévère de la part du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, comme on va le voir bi'idnillah azza wa jalla. L'éloge déjà de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et s'écartent des actes de désobéissance de façon ouverte et cachée. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, vous connaissez le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihain, sab'atun yudhilluhum Allah, sept catégories de personnes, sept personnes. Allah jalla wa ala, ici, les couvrira ou les ombragera de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Qawlu rajih min ahli al-ilm, que l'ombre de son trône. Et parmi ces sept catégories de personnes, qui l'a cité? Regardez, on parle encore des gens qui ont craint Allah Azza wa Jal, pas que devant les gens, non. Même quand ils étaient dans l'isolement, entre eux et Allah, personne ne les voit, et c'est de cela qu'Allah Jalla wa Ala parle. Personne ne les voit, lakin ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala les teste, et qu'Allah Azza wa Jal les voit. Et certes, dit vrai Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il dit, quand tu te retrouves seul dans l'obscurité, et que ton âme t'appelle à commettre le péché, et honte du regard d'Allah, et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité te voit. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Le prophète, il a dit à cette catégorie de personnes, alors que le soleil sera juste au-dessus des têtes, au jour de la résurrection. Allah, azza wa jalla, il va ombrager. Il va protéger certaines personnes de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Parmi ces quatre, sept catégories de personnes, regardez, il parle de qui? Un homme, dont une femme, d'un haut rang, qui a un certain pouvoir, une certaine notoriété et une beauté, va essayer de l'attirer pour commettre le haram, l'illicite, et il va dire, inni akhafu Allah. Je crains Allah, j'ai peur d'Allah. Khalas, il aurait pu tomber dans le haram. Il est lui et une femme. elle l'appelle, mais pas n'importe quelle femme en plus, une femme qui a une certaine notoriété. Et en plus de cela, elle est belle. Et elle l'attire pour faire le haram, pour commettre l'illicite, et il dit, je crains Allah. Donc ça, c'est une preuve de sincérité. Et il y a une deuxième catégorie de personnes. Le prophète, alayhi salam, dans le même hadith, il dit qu'un homme qui a donné une aumône, ici, de façon si discrète, que la main gauche ne sait pas la quantité qu'il y avait dans la main droite. Et ça, c'est une métaphore. C'est pour dire la personne qui a donné de l'aumône de façon discrète, sans se montrer devant les gens. Tenez, j'ai donné. Bien que, dans certains cas, on a le droit de donner de l'aumône ouvertement ou pas. Naam. Et ici, la règle générale, c'est que c'est toujours mieux de donner de façon discrète. Voilà qu'une quelquefois, on le fait. La preuve de cela, Allah dit dans le Coran al-Karim, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَرْ سِرًّا وَعَلَى وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ceux qui dépensent de leurs biens de nuit comme de jour, ah, sirran wa alaniya. Allah, il dit de façon discrète et ouverte. Ah, ils dépensent de façon discrète et ouverte. Ils auront leur pleine récompense auprès d'Allah Azza wa Jal et ils ne seront ni affligés et aucune crainte pour eux. Clair? Al-ulama, ils ont dit, c'est quand il y a un intérêt de donner ouvertement. Par exemple, il y a une annonce pour une construction d'une mosquée. Par exemple, et tu vois que personne ne donne de l'argent. Toi, tu voulais donner 100 euros, 300 euros, 1000 euros, fils à billah, sans que personne sache. Mais tu vois qu'il n'y a personne qui donne. Et toi, tu connais le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que ceux qui auront emprunté cette voie-là. Tu vas dire à une personne, fais le bien, fais ceci, fais cela, c'est des choses bonnes. Toi, tu es en train de dormir chez toi. Si la personne a fait le bien que tu lui as recommandé de faire, tu as la récompense avec elle. Donc toi, tu te dis, khlas, moi je vais motiver les gens. Tu te lèves, tu dis, moi khlas, je donne 500 euros. Alors que tu voulais les donner, fils Abillah, mais ton intention, c'est que pour ça. Donc tu le donnes ouvertement. Quelqu'un qui n'a pas d'ilm et qui a une mauvaise compréhension et qui travaille que avec quelques textes, il va dire, celui-là, il est tombé dans le riel, l'ostentation. Alors que, non, mais lui, tu connais son intention? Non. Tu connais tous les textes? Non. Donc ici, il faut que chacun reste à sa place. Lui, il les a donnés ouvertement, il a son intention. Et c'est autorisé en islam de le faire de temps en temps. Et ici, les gens vont être motivés. Subhanallah, c'est vrai, regarde, mashallah, il a donné 100 euros, au moins je donne 100 euros, au moins je donne 10 euros, au moins ça. Donc tous ceux qui auront fait le bien, si toi tu les as motivés, tu as la récompense, sans que cela ne diminue en rien. Alors récompense aussi, comme a dit alayhi salatu wassalam. Clair? Mais ici, ce qui est plus recommandé, bien sûr, de façon générale ou en général, ce qui est demandé, c'est de le faire de façon discrète, car Shaitan toujours il va te pousser jusqu'à la fin de tes jours à répéter les actions que tu as fait de façon discrète alors que tu n'as aucune raison de les répéter, simplement pour que ta récompense elle part ou elle diminue énormément, ça dépend des cas. Clair? Donc toujours quand tu fais quelque chose, il n'y a pas d'intérêt de le dire ou de le faire ouvertement, garde-le pour toi, entre toi et Allah Azza wa Jal. Comme Allah dit dans le Coran al-Karim, il y a ceux qui annulent leurs aumônes avec quoi? Dans le fait de quoi? De répéter, de dire ce qu'ils ont donné, fisabilillahi azza wa jal. Moi j'ai donné, moi j'ai fait, moi, sans aucun intérêt. Quand il y a un intérêt, c'est autre chose. Donc ça annule, wal'iyadu billah, les aumônes. Donc dans ce hadith-là, le prophète, il parle d'une personne qui a donné une aumône de sa main droite. De façon si discrète, c'est une métaphore, que même sa main gauche, c'est pas la quantité. Claire, c'est pour nous dire que, vraiment, celui qui a donné des aumônes, peu importe où, tant que c'est une chose licite et d'une façon licite, ici, mais de façon très discrète, personne n'est au courant. Donc on parle encore de quoi? De discrétion. C'est pas devant les gens. Et il dit, parmi ces 7 catégories de personnes, il parle d'une personne qui était isolée. Elle était seule. Personne ne la voyait. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand personne te voit, qui te voit? Allah jalla wa ala. Et ici, cette personne, elle a versé des larmes. En se rappelant, en se souvenant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Cette personne-là aussi, elle sera ombragée de l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. On parle encore de quoi? On parle encore de cette khalwa, quand tu es seul, quand tu es isolé. Clair? Et là, personne te voit. Et c'est ce qui est demandé. Et Allah Jalla wa Ala fait l'éloge de ces personnes-là. Et il dit, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ceux qui redoutent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il parle de l'ghaib. Clair? Et ici, il y a d'autres catégories de personnes, wal'iyadu billah, qui par contre, eux, on fait des actions, on fait des bonnes actions, mais parce que, ici, soit ils aimaient les faire devant les gens, et ils ne voulaient pas les faire quand ils étaient seuls, ou soit parce que ils faisaient des bonnes actions devant les gens, mais dès qu'ils se retrouvaient seuls, ils ne cessaient de tomber dans les grands actes, dans les actes de désobéissance, tout ce qu'ils ont fait comme bonne action devient, ici, comme poussière éparpillée. Et la preuve de cela, le prophète alayhi salatu wassalam l'a cité dans les détails. Et il dit alayhi afdalus salati wa azka at-taslim. Et le hadith il est rapporté d'après Thauban. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah wa ghayruh, et ici authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Il dit la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanatin amthal jibal tihama bayda fayaj'alha Allah haba'an manthura. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, je connais des gens de ma communauté qui viendront au jour de la résurrection avec des montagnes de bonnes actions. Il dit, il y a des gens de ma communauté hein, qui viendront au jour de la résurrection avec des montagnes de bonnes actions telles, et il donne l'exemple de quoi ? Jabal, ici, c'est une montagne, Tihama, Baïda, blanche. Et il dit, Allah Jalla wa Ala va faire de toutes ces bonnes actions ici, et où il va les rendre comme des poussières éparpillées. C'est-à-dire, khlas, ils seront nuls, ils ne serviront à rien du tout. Ils partiront, entre guillemets, en fumée. Et ici, ensuite, ils disent, les compagnons, ils l'ont interrogé, et ils lui ont dit, décris-les-nous, ya Rasulallah, décris-les-nous pour pas qu'on soit parmi ces gens-là. Ils ont eu peur. Les compagnons ont dit, comment ça, ils viennent avec des montagnes de bonne action, et ils partent tous en fumée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Il dit, ce sont vos frères de race. Il dit, ce sont vos frères de race. Donc des gens de la communauté. Ce sont vos frères de race. Regardez, des gens très proches. Peut-être nous, qu'Allah nous en préserve. Et il dit, alayhi salatu wassalam, ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun. En plus de cela, il dit, il prie la nuit comme vous priez la nuit. Alors qu'on sait que la prière de la nuit, c'est quoi? La prière des pieux. Ça, c'est un hadith qui nous rappelle que chacun doit rester à sa place. Et personne n'a à se prétendre être plus pieux que je ne sais qui, ou je ne sais quoi, ou je... Ici, il faut avoir une certaine modestie, parce que, wallahi al-azim, on a beau accomplir des milliers de bonnes actions, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir, ou quel va être le devenir de ces bonnes actions. Peut-être ils partiront en poussière. Et pourquoi pas le prophète al-Assam, il parle de ces gens-là, dont leurs actions partiront en poussière éparpillée, et il dit, ils sont de votre race, de cette communauté, et dit ça aux compagnons. Et il dit, ils prient la nuit comme vous, vous priez. En plus de cela, ils prient la nuit. Ils font qiyam ul-layl. Et ici, alayhi salatu wassalam, il dit, يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Lakin, ces gens-là, avec tout le bien qu'ils font, quand ils se retrouvent seuls, face aux actes interdits, illicites, ils transgressent ces actes. Ils tombent dedans, وَلْعِيَذُ بِاللَّهِ. Ils font du bien, ils font la prière de la nuit. Lakin, quand ils se retrouvent en tête à tête, face à face, personne ne les voit, ni à droite et à gauche, si ce n'est Allah Azza wa Jal, face au péché, ils glissent. Et Allah, rien d'étonnant. Il n'y a pas longtemps, ici, une personne m'avait contacté, et elle m'avait dit, bon, ça, je ne vais pas vous dire, c'est banal, c'est pas la majeure partie des musulmans qui sont comme ça, lakin, j'ai l'habitude à force. Elle me parlait d'une personne, voilà, de son mari, qui était dans la religion et qui connaissait beaucoup le Coran al-Karim, etc., qui avait appris même presque la totalité du Coran, qui priait même la nuit, qui faisait des actes d'adoration. Elle dit, mais par contre, elle fait, et je veux pas, on sait jamais si après la personne se reconnaît, mais bon, il y a des milliers de personnes qui appellent. À la kulli hal, elle fait un péché qui fait warab bil Kaaba, je n'ose même pas vous le dire. D'accord, je n'ose même pas vous le dire. Vous êtes habitué un peu avec les sujets chocs avec moi. Si je vous dis j'ose pas le dire, c'est que j'ose vraiment pas le dire. Et pourtant, elle me dit, il connaît plus que la moitié du Coran. Il prie la nuit. Il fait toutes ses prières à l'heure à la mosquée. Qu'est-ce que, ici, la personne va se dire après cela? Ici, personne n'est à l'abri de l'égarement. C'est pour ça que le prophète lui-même, alayhi salatu wasallam, dit, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Oh, toi qui tournes les cœurs, laisse mon cœur, raffermis mon cœur sur la religion. Et, moi, tu penses directement à ce hadith-là où le prophète Al-Sum a dit des frères de race de votre communauté. Ils prient la nuit comme vous priez. Mais là, quel est le problème? C'est quoi? Quand ils se retrouvent seuls face aux interdits, aux actes illicites, ils regardent à droite, à gauche, devant, derrière, il a oublié qu'Allah Azza wa Jalla le voit, il est faible quelque part, khalas, il glisse. Et alors, le prophète, il en a parlé il y a 14 siècles de ces gens-là, wal'iyadhu billah. On dit pas c'est une généralité, mais ça nous rappelle attention. Et c'est pour ça que Allah fait l'éloge de ces personnes-là. Ce n'est pas une éloge qui peut être, qui peut concerner une personne facilement. C'est bon, là, je crains Allah de temps en temps, c'est bon, Allah, il parle de moi. Attention, Allah, il précise. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Al-ulama, ils ont dit, c'est-à-dire quand ils sont seuls, personne ne les voit aussi. Clair? Donc ici, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, on se doit de craindre Allah Azza wa Jalla de façon ouverte et cachée. Et personne n'est à l'abri de l'égarement et de glisser. Kullu bani Adam khata. Allah, le prophète, il a dit, tout enfant d'Adam fait des erreurs, commet des péchés. Et il dit, les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent. Tant que tu te repens et tu baisses pas les bras et tu relèves la tête, tu avances. Mais essaie de craindre toujours Allah Azza wa Jalla autant de façon discrète que de façon ouverte. Claire? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, il nous parle encore de cette khalwa, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala même quand personne ne te voit, quand tu es seul. Et il dit, اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة. Il dit, cherche ton cœur dans trois situations, à trois moments. Il dit, essaie de chercher ton cœur, de trouver ton cœur. Comment tu ressens ton cœur dans ces trois moments-là? Quand tu écoutes le Coran, tu entends le Coran al-Karim. Il dit, cherche ton cœur là. Quand tu écoutes le Coran, quand tu es dans des assises comme on l'est maintenant, alhamdoulillah, et vous savez que les anges, ils entourent les gens qui participent à ces assises-là. Et quand l'assise elle termine, le prophète Hassan nous a renseigné qu'Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés à ceux qui ont participé aux assises de science. Tellement que le mérite est énorme. Et Allah aime ces assises-là. Et il les appelait les jardins du paradis. Et il dit à Ibn Mas'ud, cherche ton cœur quand tu écoutes le Coran, quand tu es dans des assises, d'accord, de rappel, d'évocation, comme là. Et il dit, quand tu es dans ce qu'on appelle ici al-khalwa, tu es seul. Et ensuite il dit, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَلْبَكَ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ فَسَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ. Il dit, et si tu ne trouves pas ton cœur, tu ne ressens rien dans ton cœur, dans ces trois situations-là, demande à Allah Azza wa Jal de te donner un cœur, car tu n'as pas de cœur. Voilà les paroles d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda. Et il dit, quand tu écoutes le Coran al-Karim, si tu vois que tu écoutes le Coran al-Karim, ça ne te fait rien du tout, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Et on va pas dire ton cœur est mort, non, mais tu dois faire un effort pour refaire vivre ton cœur. Et pour faire vivre son cœur, c'est quoi? C'est d'obéir à Allah Azza wa Jalla au maximum et d'éviter les désobéissances, c'est-à-dire les points noirs qui vont t'empêcher ici de frémir quand tu vas entendre le rappel d'Allah Azza wa Jalla, qui vont t'empêcher d'avancer, d'écouter des cours, d'apprendre ta religion, de faire du bien, etc. Il dit, quand tu écoutes le Coran, quand tu es dans des assises de science et quand tu es tout seul, si tu ne trouves pas ton cœur, tu ne ressens rien dans ces moments-là, demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'as pas de cœur, wal'iyadu billah. Et combien de gens ne ressentent rien? Et nous, en plus de ça, le plus grave, ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien. Ils ne font aucun effort, ou bien, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades. Imaginez-vous une personne qui a une maladie grave au corps. Et on donne souvent l'exemple du corps quand on parle du cœur. Clair? Une personne qui a une maladie grave au corps, d'accord, qui touche son corps. Et il ne se rend même pas compte qu'il a cette maladie. Quelles vont être les conséquences? Il pourra pas, il va même pas se rendre compte qu'il est malade, il ira pas voir de médecin. Donc il pourra pas traiter. Donc ça va lui porter plus préjudice. Peut-être la maladie va s'accélérer, alors qu'on aurait pu la traiter. Alors, pareil. Il y a des gens, ils sont malades du cœur. Et c'est plus grave d'être malade du cœur. C'est pour ça, certains salafs, si les mêmes chefs, et si mes souvenirs sont bons, ils disaient, ici je m'étonne, traduction du sens, que des gens pleurent quand ils voient une personne qui est décédée. C'est-à-dire, ils voient un corps mort devant eux. Mais ils, par contre, ça ne les dérange pas de rire avec des personnes qui sont vivantes mais dont le cœur est mort. Pourtant, le plus grave, c'est quoi? C'est le cœur. Aime à la personne qui avait un cœur vivant et qui est mort et son corps est mort. Rupama, il est au paradis, il est dans un jardin du paradis, alhamdulillah. Aime à la personne qui est vivante, lakin, son cœur est mort, wal'iyadu billah. Ça, c'est la personne qui court à sa perte ici-bas et dans le delà. Et celui-là, ici, tu te permets de rire et autres, et peut-être la personne qui est malade du cœur ou qui a le cœur mort, elle rit, elle se rend pas compte. C'est pour ça, nous disons, le plus grave, c'est de même pas prendre conscience que tu es malade. Comment tu veux te guérir? Et même si tu prends conscience que tu es malade, il faut faire les efforts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse. Clair? Donc ici, quand tu es dans le khalwa aussi, regarde ton cœur, attention, crains Allah subhanahu wa ta'ala, et évite de glisser et de transgresser, de sorte que tes actions ne deviennent pas ici comme des poussières éparpillées, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Wadih? Ensuite Allah jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, et on terminera avec ce verset coranique, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati as-sudur. Que vous cachiez votre parole ou vous la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. Al-ulama, ils ont dit. Certains, ils ont dit, là, on parle, ça concerne le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Certaines personnes parlaient, ou alors gardaient des choses contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Qawlul rajih min ahli al-ilm, c'est quoi? C'est am. C'est-à-dire, ce verset coranique, elle concerne toutes les époques et tout le monde. Que tu caches tes paroles ou que tu les divulgues, Allah il te rappelle. Allah il sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas mentir à Allah. Tu peux te cacher des gens, mais tu peux pas te cacher d'Allah. Tu peux avoir, mais il faut pas oublier Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Que tu le divulgues ou que tu le caches, Allah il sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Donc, ne crains pas les gens, mais crains Allah subhanahu wa ta'ala. واضح. Maintenant, concernant ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a dans la tête, est-ce que parce qu'on a des mauvaises pensées, on va être châtié obligatoirement? Est-ce que quand on a une mauvaise intention, on va être châtié automatiquement? Ou est-ce que quand on a une bonne intention, on va recevoir la récompense automatiquement? Ça, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre auprès des gens de science. Lakin, pour résumer, un peu de concentration. Ça va être un peu pointu, mais je vais résumer, inshallah ta'ala, ou billahi tawfiq. Concernant al-wasawis. Donc, ce qu'on appelle al-wasawis, ou bien al-waswas. Donc, l'instigation, les instigations sataniques. Claire? Quand Shaitan vient, il joue avec la personne. Parce qu'on sait que le waswas, comme on dit l'ulama, c'est quoi? Fikratun kadhiba. C'est une pensée mensongère qui vient de qui? De Shaitan. C'est pour ça, Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran al-Karim, il nous rappelle qu'on doit chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jalla contre quoi? Contre les mauvaises instigations sataniques. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswis fi sudur an-nas min al-jinnati wan-nas. Ah, ces mauvaises instigations sataniques, ils proviennent de shayatin, des diables. Mais shayatin, ils sont de deux catégories. Il y a les diables humains et les diables djinn. Parce qu'il y a des êtres humains, c'est des shayatin. Et toute personne qui aime que tu désobéisses à Allah Azza wa Jalla, qui aime que tu transgresses dans la religion, qui aime le mal et te faire du mal comme Shaitan l'aime, c'est un Shaitan, comme a dit l'ulama. Voilà qu'il est un diable humain. Et c'est pour ça qu'Allah il dit, min al-jinnati wan-nas, que ça soit des djinns ou des êtres humains. Clair? Donc, al-wasawis, ce qu'ont beaucoup de gens, soit dans les ablutions, ou soit dans le salat, ou soit quand ils marchent, ou quand ils sont chez eux, et il y a des gens et des gens qui ne cessent de se plaindre. Il y a une personne qui nous dit, je reste pendant une demi-heure faire les ablutions. Il y a une autre personne qui nous dit, wal'iyadu billah, j'ai des pensées, j'ose même pas les dire. Il y a une troisième personne qui nous dit, moi j'ai des pensées qui viennent me dire, ici, insulte Allah, insulte le prophète alayhi salatu wassalam. Et des gens tombent dans des dépressions, et ils pleurent, et ils croient qu'ils sont perdus, etc. Nous en revenons encore à la même chose, c'est quoi? Le manque de science et de compréhension dans la religion. Fawarabbil Ka'ba, si ces gens-là avaient un minimum de bonne compréhension et de science, il ne serait pas tombé dans cet égarement-là. Donc maintenant, c'est l'opportunité de comprendre ce problème qui est al-wasawis et les bonnes et mauvaises intentions et les bonnes et les mauvaises pensées. Clair? Donc on sait que al-wasawis, ça c'est une règle générale. C'est une parole mensongère, des instigations mensongères, mauvaises, sataniques. Peu importe si ces diables sont des êtres humains ou des djinns. Première des choses. Clair? Deuxième des choses, il faut savoir que même sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont ressenti ces wasawis. Et il y a plusieurs exemples concernant les gens qui sont touchés par le wasawis. Comme je vous ai dit, il y a dans les ablutions, il y a dans la prière, il y a plusieurs cas. Mais même les compagnons, ils ont eu le wasawis. Les preuves de cela, on va le voir bi-idnillahi azza wa jal. Claire. On va montrer plusieurs catégories de pensées. Et on va parler des intentions et de le wasawis. La première catégorie, il y a ce qu'on appelle les pensées qu'on ne contrôle ou bien involontaire. Il y a des pensées, tu n'as pas voulu qu'ils viennent. Et t'arrives pas à les contrôler. C'est plus fort que toi. C'est pas volontaire. C'est pas toi qui a pensé, qui a fait les démarches pour penser à cette chose mauvaise. Non, ça vient comme ça. C'est involontaire. Clair? Ces pensées-là, bi-idnillahi azza wa jal, ils seront pardonnés. Clair? La preuve de cela, ici, il y a un hadith très connu, authentique. Ici où les compagnons se sont plaints de troubles, de ces troubles-là, qui les perturbaient au prophète alayhi salatu wassalam. Et certains, ils ont dit, Ya Rasulallah, ici, il nous vient à l'esprit des choses on n'ose même pas te les dire. Ça, c'est les compagnons. On n'ose même pas les dire, on n'ose même pas les proférer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, avez-vous, ici, avec une traduction du sens, réellement expérimenté cet état? Ils ont dit, oui. C'est-à-dire, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur demande, est-ce que vous avez agréé ces paroles-là? Vous avez agréé ces pensées-là? Ou vous les avez détestées? Vous les avez vraiment ressenties? Oui, mais est-ce que vous les avez agréées ou pas? Donc, ici, les compagnons, bien sûr, ils les ont ressentis clairement. Mais bien sûr, les compagnons, ils n'approuvaient pas ces pensées-là. Et c'est quelque chose d'involontaire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, alors, à ce moment-là, il leur a dit, avec une traduction approximative, il a utilisé le terme « sarih », c'est-à-dire « clair ». Il dit, c'est la foi claire. Donc là, c'est une éloge. Il leur a dit, si vous avez eu ces pensées mauvaises, et si vous les avez ressenties, mais vous les avez pas approuvées, c'est-à-dire vous éprouvez quelque part de la répugnance pour ces mauvaises pensées-là, à ce moment-là, ça c'est la foi claire. Ça c'est la foi claire. Le hadith est rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a expliqué ce hadith-là. Et il a dit, les propos prophétiques, c'est la foi claire, signifie, votre conscience de l'énormité d'exprimer les instigations en question implique une foi claire. En effet, la conscience de la gravité, l'intensité de la peur qu'inspire leur simple extériorisation est a fortiori leur acceptation. Tout cela ne peut être éprouvé que par celui qui est animé par une foi parfaite, celui qui nourrit aucun doute à ce sujet-là. L'imam al-Nawawi, il rappelle que le prophète, il a dit, c'est la foi claire. Pourquoi? Parce que celui qui est l'imam, quand on va lui donner des mauvaises pensées sur Allah, il va pas les aimer. Donc, le problème, et ce qui est grave, ce n'est pas de les ressentir. Tout le monde peut ressentir des choses comme ça. Et particulièrement ceux qui ont la foi qui augmente. Comme ici, certains savants, ils disent, quand ils étaient interrogés, ils rapportaient certaines paroles de salaf, et ils disaient, comment ça se fait que certaines catégories de personnes déségarées, Shaitan, il vient pas leur donner ses mauvaises pensées, ses wasawis. Et pourtant, le musulman qui commence à avancer dans la religion, khlas, d'un coup, ça vient, paf. Mais qui a créé Allah? Mais Allah, peut-être c'est n'importe quoi, mais peut-être la religion c'est... Pourquoi? Comment ça se fait? C'est quand tu t'investis. Quand tu t'investis dans la religion, ça commence à venir. Regardez l'ulama, et même vous retrouvez plusieurs paroles de salaf qui disaient ça, ils disaient, mais qu'est-ce que Shaitan va faire dans une maison en ruine? En disant, celui-là qui a pas de iman ou qui est égaré, Shaitan n'a pas besoin de lui. Amma celui-là qui, sa foi augmente, il sait que c'est une parmi les seules portes par laquelle il peut rentrer. C'est pour ça qu'il rentre par là. C'est quelque part ses dernières armes. Donc c'est pour ça qu'il va s'acharner sur lui. Amma al-akhwal, il n'a pas besoin de rentrer par cette porte-là. C'est une parmi les dernières portes, ça. Là, c'est clair, il est déjà égaré. Donc il dit, c'est une maison en ruine. Qu'est-ce qu'il a à faire, Shaitan, dans cette maison? Dans cette maison en ruine. Et c'est pour ça que le prophète, il a dit, ça, c'est la foi claire. La preuve que, quand tu as ça, ces pensées-là, et que tu les aimes pas, tu aimerais pas les extérioriser, tu les détestes, à ce moment-là, sache que c'est une preuve que tu as ta foi qui augmente. T'as un bon niveau de foi. Donc si tu avais de la science, tu t'attristerais pas, mais tu te réjouirais. Donc la preuve de quoi? D'apprendre sa religion. Et parmi les moyens pour s'éloigner de l'wasawi, c'est de ces mauvaises pensées-là, il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, selon Aisha radiyallahu anha wa arda, qui a dit, quand ces pensées viennent, ou des choses mauvaises vous viennent, dites, amantu billah, je crois en Allah et en ses messagers. Et d'après les textes du Coran et de la Sunna, de dire aussi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Cherchez protection auprès d'Allah Azza wa Jal, refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, contre quoi? Contre qui? Contre Shaitan. Et ici, souvent on dit aux gens aussi, qui ont beaucoup de wasawis, déjà de savoir et prendre en compte comme quoi, c'est une pensée mensongère, ça vient de Shaitan, et que si tu les aimes pas, tu ne seras pas châtié, tu ne mérites pas d'avoir un péché. Bien au contraire, c'est une foi claire. Dis, amantu billah, je crois en Allah et en ses messagers. Dis, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Et si tu n'as pas d'activité, parce que souvent ça touche les gens qui ne font rien de leur journée. Donc Shaitan, ici, il occupe plus facilement l'esprit de cette personne-là que de la personne qui est active, qui fait des choses dans la journée. Donc on lui dit, occupe ton temps. Avec la religion bien sûr, mais aussi avec les choses de dunya. Parce que l'islam t'a dit de ne pas travailler, de ne pas vendre, de ne pas aller chercher ton risque, de ne pas... Fais quelque chose. Ne reste pas comme un paresseux à allonger toute la religion. Clair? Donc ça, c'est les gens qui sont... des proies faciles aussi, ceux qui ne font aucune activité. Ils occupent pas leur esprit avec des choses licites de dunya ou avec des choses bonnes concernant, bien sûr, ad-din, la religion. Clair? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi, dans un hadith de Bukhari ou Muslim, Allah a pardonné aux membres de ma communauté leurs mauvaises pensées, tant que ces pensées ne sont pas mises en exécution ni commises. Ça c'est une autre preuve. Quand tu as des mauvaises pensées, le prophète il a dit, Allah jalla wa ala, ici, il va pardonner à sa communauté ses mauvaises pensées tant que quoi? Tant que tu les auras pas commis ces mauvaises pensées. Et tant que tu ne les auras pas mis en exécution. Donc ça c'est le premier point. T'as des mauvaises pensées graves, involontaires. C'est une preuve que tu as la foi claire, surtout quand ça concerne la religion, Allah, etc. Claire? Ensuite, il y a la deuxième catégorie. Et suivez bien. Ça, c'est les pensées qu'on contrôle ou volontaires, mais qui sont rejetées et pas appliquées. Claire? C'est toi qui as provoqué ce péché-là. Ou plutôt cette pensée-là. Tu as commencé à penser à des choses illicites de toi-même. Tu as commencé à penser, tiens, si j'avais de l'argent, je ferais ça, même de l'argent haram. Et... Donc tu penses et tu as l'intention de faire quelque chose de mal. Donc là, tu as provoqué. C'est pas comme, t'es comme ça tranquillement, Shaitan il vient, t'es en train de lire le Coran. Mais qui te dit, ça se trouve ce Coran, s'il a été écrit par quelqu'un? En général, tout le monde a eu ça. En général, ceux qui ont la foi qui augmente, ça commence à venir. Et surtout, quand tu commences à t'investir dans la religion. Et sinon, c'est toi qui as commencé à penser, t'as vu une personne avec de l'argent illicite, par exemple, tu dis, j'aimerais bien être comme lui, ah, si j'avais cet argent. Ces pensées-là, tant que quoi? Tant que, ici, tu n'as pas été ferme dans l'intention mauvaise, et tu n'as pas persisté dans cette intention mauvaise, et tu ne les as pas mis en exécution. C'est-à-dire, c'était des pensées, des intentions faibles. Ça venait, après ça partait. C'était pas avec vraiment conviction que tu voulais faire ces choses mauvaises, ils sont pardonnés. C'est-à-dire que tu avais l'intention de faire une chose mauvaise, ça te venait parfois, ça partait. Ce n'était pas une intention ferme jusqu'au bout, avec une grande conviction de faire cette chose mauvaise, et en plus tu ne l'as pas faite. Là, à ce moment-là, clair, suivez bien, on va apporter la preuve par la suite, incha'Allah ta'ala, tu ne seras pas châtié, blâmé. Tu n'as pas de péché. Clair. Il y a la troisième catégorie. Vous avez compris cette catégorie-là, hein? Des pensées qui viennent, qui partent. J'aimerais bien, ah mais non, je laisse tomber. Ça vient et ça repart. C'est pas avec ferme conviction. Tu dis, bon, peut-être, mais bon. Et tu la fais pas. Il n'y a pas de problème. Bi'idnillah azza wa jalla, lakin, chasse ces mauvaises pensées, ces mauvaises intentions. Il y a la troisième catégorie. C'est les pensées volontaires toujours. C'est toi qui as provoqué. Volontaire, c'est-à-dire c'est toi qui as provoqué. Il y a une femme qui est passée devant toi et tu n'as pas baissé le regard et tu l'as regardée. Et c'est pas pendant 3 secondes, c'est pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, pendant une heure, et tu provoques ça. Et après, tu commences à te faire des films, et après, tu penses. Donc, c'est ça la pensée, donc volontaire. Tu l'as provoquée. Clair? Donc, il y a la pensée volontaire qui ne sont pas rejetées, mais avec faible intention. Clair? Elles ne sont pas rejetées, mais elles sont avec des faibles intentions. Clair? Afwan. Déjà que c'est assez complexe, ça je vais vous embrouiller. La deuxième catégorie, c'était les pensées faibles mais qui sont rejetées. D'accord? On revient un peu en arrière. Les pensées faibles mais qui sont rejetées. Et ici, ils sont rejetés, en plus de cela, ils sont pas mis en application. Clair? Donc c'est les pensées faibles. Celui-là, t'avais cette pensée mauvaise mais tu l'as rejetée. Après t'as dit non, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu l'as pas faite. C'est à l'akhlas, tu es pardonné. On est d'accord, on revient, hein, clair. La troisième catégorie, c'est la pensée faible mais qui n'est pas rejetée. Tu l'as laissée dans ta tête, mais elle est faible quand même. Tu dis, ouais, peut-être, mais... C'est-à-dire que tu n'en fais pas ton principal objectif. Clair? Et en plus de cela, tu la fais pas. C'est pas avec une grande conviction. Wallahi, si seulement j'avais, et j'aimerais vraiment avoir cet argent haram pour faire cette chose-là, ou alors avoir cette facilité pour faire cette chose illicite, et vraiment, tu rêves de la faire, et tu l'as... Pas avec... Non, c'est simplement tu as des pensées comme ça, quelquefois illicites, qui viennent. Et ici, tu ne l'as pas rejetée, mais elle vient, elle part, et c'est léger. Et tu ne la mets pas en application. Celle-là aussi, elle est pardonnée. Vous suivez ou pas? C'est clair? La quatrième catégorie, c'est les pensées volontaires qui ne sont pas rejetées. Et ici, tu as une ferme résolution de les faire. Là, il y a la personne, elle va avoir la pensée de faire une chose haram. Mais c'est pas avec une faible résolution. Il rêverait de faire cette chose haram. Avec une grande conviction. Il dit, si wallah, j'avais cet argent-là, je l'aurais fait et j'aimerais bien avoir cet argent-là haram et faire cette chose-là haram. Et elle est toujours à un certain niveau qui est excessif. Elle a une ferme résolution de faire cette chose haram. Même si elle l'a pas faite, elle a un péché. C'est clair? C'est clair ou pas? Il y a la première pensée, on a dit, claire, qui est, ou la deuxième catégorie qui est, tu as une pensée, mais tu la rejettes. Et tu ne la fais pas. Pas de péché. La troisième catégorie, on a dit, tu as des pensées, tu ne les rejettes pas, mais ils sont faibles. Ils viennent, ils partent. C'est faible. C'est pas vraiment, tu dis, oh, ça vient quelquefois, dû à ta faiblesse deux fois et autres. Mais tu ne le fais pas. Même si tu ne rejettes pas cette pensée tout le temps, elle est pardonnée. Il y a la dernière catégorie, tu as cette pensée-là, et c'est là toujours la pensée volontaire, hein, on parle de la pensée volontaire, tu as cette pensée-là, et cette pensée-là, tu as une ferme résolution de vouloir faire cette chose-là. Même si tu la fais pas, à ce moment-là, tu as le péché. Et ça, c'est en réunissant tous les textes. Et ça, je vous ai résumé. Parmi les textes, on a deux textes. Il y a le hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui avait fait l'intention de faire une mauvaise action, puis n'a pas fait celle-ci, le prophète, il a dit, celui qui a fait l'intention de faire quelque chose de mal, mais il l'a pas fait, Allah n'inscrira pas à son actif ou à son passif cette mauvaise action. Clair? Dans ce hadith-là, le prophète, il a dit, celui qui avait l'intention de faire quelque chose de mal, et il l'a pas fait, Allah lui pardonne. Mais dans un autre hadith, on voit l'opposé. Et c'est quoi l'autre hadith? Et c'est pour ça que je vous dis, les savants, ils ont réuni entre les textes pour expliquer que tout dépend de quoi la résolution. Est-ce que tu avais vraiment une ferme conviction de le faire ou pas? Ferme conviction de le faire et tu ne l'as pas rejeté? Péché. Une faible résolution de le faire, rejeté ou pas rejeté, ici à ce moment-là, tu es pardonné. La preuve, ce hadith-là. Mais la preuve que si tu as une ferme résolution de le faire, même si tu ne le fais pas, tu as un péché, c'est un autre hadith authentique. Où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui avait l'intention de tuer quelqu'un sera puni par Allah Azzawajal dans l'au-delà. Il méritera l'enfer. Clair? Même s'il n'avait ensuite pas pu le tuer, mais avait au contraire été tué par lui. Celui qui avait l'intention de tuer quelqu'un, clair? Il sera châtié, il mérite le châtiment. Même s'il ne l'a pas tué, mais il a été tué. Les compagnons, dans une version, ils ont dit à Rasulallah, on comprend celui qui a été tué. Celui qui a été tué, khlas, on comprend celui qui a tué. Celui qui a tué, on comprend, il a tué, c'est lui qui mérite le châtiment. Mais on comprend pas pourquoi celui qui a été tué. Il a dit, parce que s'il avait l'intention. S'il avait pu le tuer, lui aussi l'aurait tué. Donc là, il a parlé de quoi? Son intention. Mais là, on parle de quoi? Là, on parle de meurtre. C'est-à-dire un combat qui a mené vers la mort. Il parle de deux personnes qui se sont combattues jusqu'à la mort. Donc là, les savants, ils ont déduit que ça, c'était la personne qui avait une ferme résolution de faire le mal. Il était convaincu. Il voulait aller jusqu'au bout. Même s'il l'a pas fait, il a le péché. Et il mérite le châtiment. Amma, d'après l'autre texte où le prophète Aïssa me dit, celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, il n'aura pas de péché. Là, ils ont allié et réuni entre les textes. Ils ont dit, ça c'est la personne qui avait ces intentions-là. Soit il les a rejetées, ou soit ils étaient très faibles, ces intentions-là. Ça venait, ça partait. C'était pas une ferme résolution de le faire. Et voilà comment ils ont allié les savants entre les textes, et c'est la parole prépondérante. Amma, le premier cas, on avait dit, ça c'est le wasawis. C'est les pensées qui viennent et qui sont volontaires ou involontaires. Involontaire, tu les contrôles pas. Shaitan, il vient, il te met des choses dans la tête, et il te parle d'Allah, et qui a créé Allah, et ceci et cela, et des choses mauvaises. Ou alors des pensées vraiment mauvaises, tu les contrôles pas. Ils viennent comme ça, et tu les détestes. Et tu n'aimerais pas que ces pensées-là s'extériorisent. Ça, c'est une preuve de ta foi claire. Que tu as un bon niveau de foi, que ta foi, elle commence à augmenter. Donc, au lieu de t'attrister, à ce moment-là, tu dois te réjouir. Et dans tous les cas, il faut savoir la règle générale. Qu'Allah Jalla wa Ala n'est pas injuste et n'est pas inéquitable, encore la preuve. Vous voyez comment c'est bien détaillé dans l'islam les choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans nos poitrines, ce qu'on cache et ce qu'on divulgue. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.